Demain matin au Maroc, des nuages et un peu de soleil sur l'oriental, le Seis, le littoral entre Tanger et Safi. Le ciel sera clair ailleurs. L'après-midi, un ciel quelque peu nuageux sur l'oriental, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, le Draa et le littoral entre Agadir et Laayoune. Pour les températures, il fera 23 degrés à Rabat, 24 à Casablanca, 27 à Tanger, 31 à Laayoune, 34 à Fès, 38 degrés à Blimlel et Essaouira. La maximale sera de 41 degrés à Errachidia. Enfin, la CAN de football en ce moment en Égypte. La RDC affronte le Zimbabwe. Les Congolais mènent 2-0 à la mi-temps. Un peu plus tôt dans la journée, la Guinée s'est imposée 2-0 face au Burundi. Victoire sur le même score de Madagascar face au Nigeria. Une équipe malgache qui se termine donc en tête du groupe B et obtient son ticket pour les huitièmes de finale. Voilà, c'est la fin de ce flash. Excellente soirée à tous.